Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 de PowerCast. Premier épisode qui n'est pas enregistré en direct sur Twitch. On a été obligé, à cause de nos emplois du temps un petit peu chargés et aussi des vacances, de vous proposer un épisode un peu spécial. C'est un best-of des deux saisons du PowerCast. Voilà, on a essayé de réunir pour chaque épisode des meilleurs moments. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas, ça vous donnera l'occasion de voir un peu à quoi ressemble l'émission. Et pour ceux qui connaissent, bah, ça vous permettra de vous rappeler de bons souvenirs, tout simplement. Quand vous entendrez ce bruit, ça veut dire que vous passerez d'un épisode à l'autre, donc ça changera d'invité. Et quand vous entendrez ce bruit-là, c'est juste qu'on reste dans le même épisode, mais c'est un autre extrait de l'épisode. Voilà, on vous laisse avec ce petit best-of. On vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée de PowerCast. On n'a pas encore de date, on vous tient au courant. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont dans les descriptions. Passez de bonnes vacances et puis, comme on dit dans le jargon, salut. Et on commence en musique. Road to Babylon. Babylon. I was thinking of Babylon. Babylon. Babylon, Antichrist, and the dead of the Christ. Babylon, Babylon. Antichrist, and the dead of the Christ. Babylon, Babylon. Babylon. Le PowerCast. Le PowerCast. C'est la musique d'intro du PowerCast et on est parti. C'est moi qui vais vous dire des paroles de chansons en français si elles sont en anglais ou et en allemand si elles sont en anglais ou dans un cas en espagnol parce qu'elle est en français et vous allez devoir deviner la chanson. Cette chanson fait: comment pouvez-vous voir dans mes yeux comme des portes ouvertes vous conduisant dans mon noyau? Alors je précise que c'est traduit de façon très littérale. Où je suis devenu si engourdi sans âme, mon esprit dort dans un endroit froid jusqu'à ce que vous le trouviez là-bas et que vous le meniez. Là pour l'instant c'est pas facile, je sais. N'hésitez pas sur le chat si vous avez la réponse. Refrain. Réveille-moi, réveille-moi à l'intérieur. Réveille-moi. Arthur. Évanescence. Bring me to life. Bring me to life, ouais. Et c'était un peu. Tu peux le faire avec. Tu veux le faire celle en espagnol? Ouais, je veux bien. Mais tu veux déjà faire. Tu parles espagnol, Clément? Pas du tout. Parce que moi, oui. J'ai fait LV2 espagnol. Ouais. Robaste, robado. Robaste, el mercader naranja. Robaste, robado. Qui a volé l'orange du marchand? Putain, mais c'est ça, mec, tu vas aller trop aussi vite. Mec, mais Star Act 3. Dans ma tête, je me suis dit, attends, ça veut dire voler. Voler, ok. Ok, orange. Faut pas lui dire. Non, mais faut pas lui dire. Ce serait pas venu, hein, ça sert à rien. Ce serait venu, mais putain, mais sérieux, quel niveau, quoi. J'ai entendu un dose. Non, c'est moi qui ai bu ma bière. Alors, absolument pas, j'imagine que ça n'intéresse pas. Franchement, Jules, nos auditeurs, du calme, du calme. Homme sable, Harry, oui. Bouffon Junior, Venom, machin. C'était incroyable. C'était, ouais, c'était. Puis la réunion du bouffon vert fils avec Spider-Man, quoi. Une grande amitié. Ouais, ouais, voilà. Ouais, au dernier moment, non, c'est pas. La seule participation de Théo. Derrière, si tu m'abuses. Tous les films. Non, mais Théo, c'est le Stéphane Bern de PowerCast, tout ouais, ça. Il sent le même. Spider-Man qui possédait un velours. Le premier Auguste. Oh là là. On me demande 5 minutes de Stéphane Bern. 5 minutes, ça 5 fait 5 vraiment minutes de Stéphane 15 Bern. Secondes. Oui, wow. On se relaie, les 15 gars. 15 secondes. Oui, sur la comtesse du Barry. Oh, les gars, on fait tous 2 minutes et demie, puis c'est back. Ouais. Vas-y, Théo, vas-y. Non, vraiment, il faut que je me malaxe le gosier un petit peu. Laissez-le parler. Bonjour et bienvenue, merci de m'inviter sur PowerCast, ça me fait un bien fou. Et on va voir ensemble justement comment partager un moment de pleine extase. Catherine comme elle est ici, j'y reviens toujours, mais... Il fait un AVC. Ma pomme d'Adam fait l'ascenseur, le vertigo dans le gosier. Oh, on non. Dit que ça ressemble plus à Edouard Baird. Un petit peu, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Un peu. Oui, on pourrait le dire. Mais tu sais, non, mais ça m'a fait super bien à dormir en fait. Quoi? Il a même la pose, je sais pas si tu as vu la vidéo quand c'est la radio, mais il est pareil. Posé. Il m'a piqué ma personnalité, le salaud. Faites-nous rire, les petits comiques. Allez, Théo, blague. Bah. Je suis tout gêné maintenant. Non, mais voilà. Faites Liliane et machin. Ok. Alors.

Voilà, j'aurais fait le bon rapport. Réponse D, on a déduit que Napoléon était monoboule à partir de son carnet de santé retrouvé. Napoléon, c'est monopoly. Possible. Mais c'était Hitler qui était monoboule. Oui, mais Napoléon aussi, je crois. Oh là là. Donc, on apprend des choses tous les jours. Tout la main dans le. Non, non c'est parce qu'il avait une douleur, je crois, là. Ouais. Genre au pancréas ou à la vessie, je sais pas où. Mais. Ouais, avancée historique, le monoboule, on nous dit. Ah, découverte historique, quoi. Non, j'ai dit découverte historique. J'hésite entre ça. Il y a quoi d'autre? C'est marqué découverte sur mon. Le pan, moi, ça me ferait bien. Non, ouais. C'est pas le pan. Le pan cheval. C'est celui d'avant les dinosaures, c'est quoi? Alors, c'est avant, c'est les ovaires momifiés de Cléopâtre. Réponse A, c'est le chewing-gum de la femme. C'est le pan. Je vous le dis, c'est la monocouille de Napoléon. Bah écoute, je te suis là-dessus. Franchement, je te fais confiance. Je dis le pan. Tu penses le pan? Le pan rétrogradé, je sais pas quoi. Messieurs, la bonne réponse, c'était le visage d'une femme reconstitué à partir d'un chewing-gum vieux de 5000 ans. Un chewing-gum vieux de 5000 ans? En effet. Tout comme il y a eu du maquillage il y a très longtemps. Mais quoi? Mais attendez. Comment c'est possible? Alors, bah, sûrement pas le même chewing-gum que nous, je viens de me croiser le doigt dans la bière. Non! Non! Vous voyez pas? Oh non! Non, j'ai saturé, je crois. Je vais l'enlever avant. Arrête de jouer avec ça! Attends, monte pour la caméra. Fait l'hiver pendant un podcast, il se coince le doigt dans le cul. Je l'aurais cassé, je pense. Alors, c'est très peu visuel, mais franchement, je le laisserai, ça. Moi, je te dis quoi, c'est pour la bouteille. Oh non. Non, mais c'est pour le podcast. Donc, messieurs, il doit y avoir un équivalent du chewing-gum. Ça devait pas être un chewing-gum à la barre comme nous, c'est pas chimique comme nous, pas avec du goût, machin. Il devait y avoir un équivalent, c'est pas comme le maquillage au charbon. Ouais, c'est mâcher des feuilles, quoi. Donc, ils ont pu reconstituer son... À partir de l'ADN. Exactement, prélevé sur un chewing-gum datant du néolithique, donc quelque chose d'équivalent, on a déterminé son sexe, la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Mais du coup, ils ont fait un portrait robot, quoi. Ouais, exactement. Okay. Ils ont pas reconstitué un visage. Brune, elle a la peau mate. Ils avaient dessiné avec le petit chewing-gum. Ils avaient dessiné la meuf. Ils ont enlevé les vieux cheveux. Oui, j'ai compris ça. J'ai pas compris. Ils ont fait. Ah, mais d'accord. Oui, j'étais là. Ils partirent de l'ADN d'un chewing-gum. Ah. C'est Jurassic Park, mais en moins bien. Regarde ce que j'ai fait. Oh non, les chewing-gums de 5000 ans. C'est dégueulasse. Non, mais j'avais commencé à chercher, à me dire, elle a mâchouillé le truc comme ça, donc ils ont refait la mâchoire. J'aurais peut-être dû développer, mais ils ont su du coup la couleur de ses cheveux, de ses yeux, son sexe, de sa peau. Tout déduire, ils ont même su ce qu'elle avait mangé, enfin son régime alimentaire, quoi. Voilà. Ah. Il y avait des noix de cajou, Clément. Alors je vais vous demander de fermer les yeux parce que j'ai apporté en fait un instrument. Parce qu'on est pas mystère. Aussi dans le public, fermer les yeux. Podcast célèbre ou pas là? Ok. Oh, putain, une boîte à meux. Non. Oh non, je sais ce que c'est, je vois. Oui. Ah oui, c'est. Oh, trop bien! Un Post Malone. Otamalone. Otamalone. Otamatone? Otamatone. C'est un joyeux anniversaire, non? Bon, très bien. En jeu vidéo, Batman Arkham Knight ou Spider-Man sur PS4? Arkham Knight. Ah, bah, c'est ouais. T'es pardonné. Ah, c'est celui qui a créé. On dirait qu'il y a un canard qui agonise derrière. Est-ce que t'arrives à jouer Game of Thrones avec ça? Enfin, alors, est-ce que vous savez Game of Thrones? Juste. Pas loin. Pas mal. On continue là-dessus. Pas mal. Enfin, allez, on continue. Ouais, continue, allez. Fab, c'était bien. Alors, on me dit qu'il est trop présent l'automate. C'est un peu non, moins près du micro. Alors, on va enchaîner. Hein. J'ai parlé de mes chaînes. Non, j'ai. Tes chaînes? Oh, le mec. Bon, des chaînes en or. On va passer aussi. Un jeu le choc des héros. Que vous avez bien aimé, il me semble, la dernière fois. Oh. Enfin, je sais pas, je me permets de parler de ça. J'ai personnellement détesté, moi. Okay, bon. Je te l'ai dit, hein. Non, je déconne. Okay, ouais. C'est pas vrai. Mais je veux revenir, mec. Ok. Bon, allez, ok. C'est le jeu des tweets. Oh, okay. Jingle jeu des tweets. Moi j'avais apprécié. Tweet, tous les tweets, tweet. Ouais. Il est là pour tuer. Alors, vous connaissez le principe du jeu? Mais bien sûr. C'est l'émission. Ah, je le rappelle. Allez. On en gros, je vais tweets. Vous. Voilà. Point. Vous les aimez, vous les aimez pas. Voilà, vous mettez une note sur 10. Non, voilà. Non, il faut trouver le. Sinon, qui a Twitter, qui a tweeté. Ouais, qui est l'auteur de ce tweet. Je ne peux pas croire que ma grand-mère me fasse sortir les poubelles. Je suis riche, putain. Je rentre à la maison, je n'ai pas besoin de cette merde. Qui a été réac à ce point-là? Quand est-ce que t'es riche et que tu vis encore chez ta grand-mère? Ou c'est sa mère ou sa grand-mère? Non, mais il vit pas chez sa grand-mère, mais je pense qu'il était chez sa grand-mère. J'ai dit il, mais voilà. Et oui, parce que c'est un homme. Donc c'est un ricain. Et il était sûrement chez sa grand-mère pour Lil manger. Wayne. Il a sorti ça. Non, pas Lil Wayne. Du rap. C'est un rappeur, ouais. Ah, c'est un rappeur. Lil Peep. D'accord. J'ai tous les Lil. Je suis nul. Hein. Ouais, sans doute tous les Lil, vas-y. 5 secondes. Lil Wayne, Lil Peep. Lil Jon. Lily Allen. Lily Allen. Ouais. Lil Dabo. On a eu deux blagues, attendez. Il y a eu Lil Dabo et Lil Thuram. Les deux étaient vraiment bien. Moi, je trouve. Alors venez voir notre spectacle le 12 à Arcachon. Ouais, et le 13 frères. À Lille. Et... Oh, les femmes, les grands frères. Mais dites-vous qu'il est riche, mais son, Kanye West. son nom est pas censé être un 50 de Cent. Peter Porr. 50 Cent. Ah, ouais, mais tu m'as donné un gros indice. Ah oui. 50 Cent. On est connu sur sa grand-mère. Le mec, il est riche, alors son nom, ça dit qu'il est riche. C'est quand même un peu la honte. faudrait lui dire ou quoi? Récemment, j'ai fait une révélation à ma famille d'un secret que j'avais gardé. Du coup, j'avais 9 ans. C'était en 2005, tu l'as révélé 2019. Voilà, du coup, 15 ans plus tard. Presque. C'est ouf, ouais. 14 ans. 14 ans plus tard. Et d'un truc que j'avais fait que personne savait. Vraiment, personne savait, il n'y avait que moi qui l'avais gardé. Et en fait, on était dans un. On a un peu en scoop, là. C'était pas les Daft Punk? Que t'es fait les Daft Punk et mais tout? C'est ça, ouais. C'est les Daft Punk. Putain. D'accord. Mais c'est des... En fait, personne savait que c'était moi, je faisais les deux casques. Et ça devait pas être facile, c'est surtout les cacher, quoi. Enfin, c'est moi le gars. En marionnette chaussette. C'est moi aussi le chien. Le diacre. Ouais, le chien. C'est moi dans le chien. Putain, c'est qui parle? Il est très fier. Le meilleur marionnettiste en fait. Dans le révélé. En fait, il y a un repas de famille, quoi. Ouais. C'est un jeu de distance. En fait, la scène est un peu plus près du public et du coup, on a l'impression qu'ils sont plus grands. Des mains. En fait, c'est juste des mains. Tu as tout appris. Puis c'est plus facile pour faire les tournées après, quoi. Tu peux embaucher un mec qui fait les chaussettes. Ça, il était tranquille. Pour ça qu'il sacré bras le mec. Non, du coup, alors. Récemment, que ça. Donc il a avoué vous, que. Faut vous mettre dans la situation que. Est-ce qu'il faut qu'on ferme les yeux là aussi? Non. j'ai avoué ça vraiment 15 ans plus tard. Donc là, il y a 6 mois. Enfin, moins 6 mois, non, que je peux. Non, moins. Ouais, moins. C'était la semaine dernière. Non, je sais plus. Ah, en gros, c'était cette année, quoi. Voilà, c'était cette année. Et j'ai dit, franchement, il y a prescription, je peux le raconter, mais ça nous a fait la soirée. D'accord. Du coup, c'était il y a 15 ans. On va arrondir. en vacances, à la piscine, en fait, je peux le dire, on jouait dans la piscine, et j'ai eu la flemme de sortir de la piscine, j'ai chié dans la piscine. J'ai une première question, est-ce que ça a flotté? Oui, juste alors, si. Alors oui, parce justement. Que j'avais espoir que ça coule, en fait. C'est ma question, est-ce que ça fait une émulsion liquide aussi? Non. Ta mère elle a voulu savoir la température. Je me rappelle plus des détails. Parce que tu sais, t'as cette vidéo fake là. Non, mais parce que je dois raconter le truc. C'est parce que s'en est suivi quand même que j'ai propagé une fausse version des faits. C'est-à-dire que je jouais avec un pote à ce moment-là dans la piscine et moi j'ai fait comme si de rien n'était. Et j'ai continué à jouer avec mon pote. Et à un moment, la crotte est passée. Oh non, t'es relou! Sérieux, vous lanciez le thermomètre de la piscine et vous l'avez rattrapé et t'as pas regardé et hop! La crotte est passée devant mon pote. Il a fait oh une feuille! Oh non! Il a pris dans la main. Mais comment tu penses mais que oui. c'est une feuille? À quel moment? Je sais pas, mais lui il a fait attends, une feuille! Peut-être alors que... je fais ah oui, c'est vrai, une feuille! Et attendez, peut-être que. Dans ton souci de discrétion, tu avais fait ta merde en forme de feuille. C'est ce qu'on appelle un cacamouflage. Oui. C'est un artiste. Regardez, on l'avait dit, il jouait avec les mots, son frère aussi, voilà. Pour l'anecdote, j'avais fait ça propre. T'as chié dans une piscine. Mais je veux dire, j'avais plongé, j'avais baissé mon froc et j'avais fait. J'avais relevé et dès que j'étais remonté, et ben c'est bon, tu vois. Il y avait rien, j'avais pas. C'est tout. Mathématiquement, il y a un truc qui va pas quand même. Je me suis pas à malaxé. Je me suis amusé à malaxé là. Pas à faire une forme de feuille. Et ton pote, non mais comment il. Alors, non mais j'ai pas fini. Attends, il fait, oh une feuille. Et du coup, je fais, ah ouais, une feuille, tu sais. C'est lourde la feuille, hein! Oh, c'est quel arbre ça, putain! Sûrement un chêne, hein, puisque tu es bien. C'est quoi son arme à toi déjà? C'était le chêne, non? C'était l'olive, l'olivier. Non, l'olivier. Alors attends, on le retrouve. C'était l'olivier, Fabien. Attends, remonte. Et du coup, il fait « Ah non, c'est pas une feuille, c'est un caca !» Et il le balance comme ça. Et je fais « Ah, c'est dégueulasse !» Bah, je joue le jeu, tu vois. T'as chié ou quoi? Et non. Et alors, pour la petite anecdote, c'est que c'était une période où il y a eu pas mal de bébés dans la piscine. Et du coup, c'est passé crème. Oh mon dieu. Et ma mère. Et du coup, non mais notre mère pensait parce que Elsa. Non parce que Elsa, elle a vraiment chié dans son ben. Oui, mais elle avait. Pensait que Elsa était la mère. Oui, mais elle avait. Non mais à cette époque-là, en fait, il y avait beaucoup de bébés. Oui, oui. Il y avait beaucoup de bébés. Non, c'était même pas 2005, c'était peut-être 2003. Elle avait fait. Et on recevra Elsa très bientôt si vous avez des questions. Et les détails de ce côté. Et non, et du coup, on croyait que c'était. Et du coup, en fait, tout le long, j'avais juste dit, bah, il y a un caca dans la piscine, et mon pote, il a dit, oh, une feuille, et tout, comme ça. Non, mais le pire, tu passeras les bousillettes, hein. Et du coup, récemment, j'ai juste dit, bah, en fait, vous savez, l'anecdote de oh, une feuille, bah, le caca, c'était moi. Non, parce que le pire, les gars, c'était que pendant 15 ans, on se disait, c'est un mystère, on ne sait pas qui c'est. Et voilà, il y a eu la révélation, on disait, c'était quelqu'un d'autre qui a chié. C'était Mexican stand-off, tout le monde s'en regardait. Ça a changé la vie. Ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois, il se posait la question, t'avais Fabien qui disait, je vais chercher de l'eau. Moi, je savais. C'est une très bonne blague. Il enlevait une épaisseur. Ah, chat, on dit, heureusement que ton pote n'a pas voulu faire un herbier. C'est vrai. Genre, putain, j'ai découvert une feuille là. Les gars, elle est lourde et tout. Tu sais, le machin que tu fais pour les. Tu sais, des fois, t'as des travaux quand t'es en maternelle et tout pour l'école, tu dois ramener des feuilles. Bon, moi, j'étais en vacances. Bah, j'ai une feuille. Madame, regardez ce que j'ai trouvé. Personne là comme moi. Les pommes de pain allongées. Ouais, ça doit ressembler à ça. Hein. Voilà. Putain, c'est bien le caca, ça nous lance bien. Ça. Ouais, une bonne anecdote sur la merde. Et ce jeu allie un peu deux de tes casquettes, on va dire. Ok. C'est un jeu où il faut deviner si la personne que je vais citer est un acteur ou une actrice porno ou un personnage de BD. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout simple. Jules joue aussi. Dans le chat, vous pouvez jouer aussi, n'hésitez pas. Et on va commencer avec... Tintin. Oui, bon. Pardon. Avec Asa Akira. Est-ce que ça, c'est une actrice porno. Ah. C'est une asiatique. On est présent avec un fin connaisseur. Non, mais elle, je la connais. Son nom, il est connu. Ah bon, explorateur du cul. Et toi, Jules, tu dirais ? Je dirais, ouais, là, ouais. Non, mais il a pas à répondre, c'est sûr. J'ai donné la réponse, c'est sûr. Bon, bah, c'est une bonne réponse, ouais. Si j'ai un doute, je le dirais, mais là, je le sais. Ok, bon, bah voilà, t'avais raison, c'est une actrice porno. J'ai pas eu mon mot à dire. C'est du porno, c'est du porno. Bon, alors. Si je vous dis Tetsuo Shima. Un peu plus ouais, dur. Je dis BD. Mais c'est sans conviction, BD. BD manga, quoi. Ouais, on attend de voir dans le chat si ça joue un peu. Tetsuo Shima. Je vois bien ça, un peu crié aussi, j'aurais dit BD. Ça dit BD aussi dans le chat, et oui, c'est un personnage d'Akira, justement, c'était pour la blague. En même temps, si c'est crié, ça peut être du porno aussi. C'est ça, la nuance. Oui, j'avoue. Ensuite, Suzy Derkins. Suzy Derkins, ouais. Non, moi je dis personnage de BD encore. Moi je pense que t'as fait... c'est un piège. Moi je pense que c'est... Ouais, c'est BD aussi. Faut savoir qu'il est malin, hein. Ah ouais. Je dirais comment BD. Dit, Serge. Ça dit BD... Jules, toi, tu dis quoi ? J'ai dit BD, moi. BD aussi ? J'ai dit BD à la base. Bah, je suis Jules. Je suis Jules. Ah, merci. Okay. Nouveau hashtag, je suis Jules. Ouais. Et oui, c'est un personnage de BD. C'est un personnage de la BD Calvin et Hobbes. Voilà. Ah, d'accord, ok. C'est tellement peu lu. Si je vous dis Lucas Frost. Lucas Frost ? Ouais, Lucas Frost. Alors, si c'est un acteur porno à thème, c'est vraiment bizarre de s'appeler Frost. Bah, je dirais BD aussi. BD moi, je dirais aussi. Acteur porno, moi. Tu verrais quoi dans une BD un peu un comics, un peu... Je sais pas, mais Frost, ça fait plus super-héros que... Ouais, ouais. Eh ben, c'est ce que j'ai pensé, mais pourtant, c'est un acteur porno, et Solé avait raison dans le chat aussi. Ouais, et ouais, donc, c'est un pseudo ou c'est son vrai nom, ça, on sait pas ? Il a pas de... Ça, je pense que c'est un pseudo, ouais. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup de pseudos. Je pense. Enfin, après, on est avec une star du porno, donc bah, bon, oui. Tu peux nous confirmer qu'ils ont surtout des pseudos. Ouais, ils ont tous des pseudos. Voilà, enfin, ceux avec qui je tourne, en tout cas, ils ont des pseudos. Bon, bah, ouais. Je crois qu'il y a vraiment personne qui utilise son vrai nom. Si je vous dis Johnny Castle. Johnny Castle ? Johnny Castle, ouais. J'ai envie de dire porno. Castle comme un château, hein, en anglais. Ouais, bien sûr. Comme la série Castle. Ah, c'est comme Lucas Frost. Là, c'est du 50-50. Vas-y, je pars sur porno aussi, mais sans conviction. Ouais. Vous partez sur porno, ça nous dit BD dans le chat. Ah. A priori. Bon, le chat, vous êtes bien innocent. Peut-être qu'il connaît Soline. Ah, il y a Afardi qui nous dit c'est pas un porno ça. Ah bon, d'accord. Ah, il est convaincu. Il les a tous vus. Après, comme pour Calvin et Hobbes, ça existe sûrement en porno, hein, comme tout. Donc, Alors j'ai vérifié, en général, il n'y a pas d'ambiguïté entre les deux. Ça existe pas. Enfin, c'est soit ça existe en BD, soit ça existe en porno. Il n'y a pas de piège là-dessus. Et d'accord, du coup, bah, Johnny Castle est un acteur porno. Ouais, bravo. Ah, bien raison. Okay. Voilà, vous le saurez comme j'ai ça. J'ai un sixième sens pour ça, moi. Pour repérer les noms d'acteurs porno. Mais même dans la rue, les gens. Ah ouais. Balèze. Il y a Rebondi Pouette qui nous dit j'ai pas envie de voir un porn de Calvin et Hobbes. Ah, j'avoue, je sais pas si ça existe. si je vous dis Kurt Maldor. Kurt Maldor. Kurt Maldor, ouais. Alors, si t'es très très malin, t'as foutu trois acteurs porno pour qu'on se doute pas du tout. Non, mais là où t'es malin, c'est que t'es allé chercher des noms de mecs en fait. Et les noms de mecs, personne les connaît. Quoi, ah, oui. À part Jean-Manuel Ferrara et Rocco. Et dites-vous que c'était la première fois que j'allais sur la catégorie acteur porno sur Pornhub et c'était un peu bizarre quand même. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Bah, c'est pas habituel quand même, c'est de la découverte. Non, bah moi je dis BD parce que sinon, je sais pas, pour varier. Mais c'est juste pour varier parce qu'en vrai, je sais pas du tout. Et toi, Jules, moi je dirais porno parce que je te crois capable d'avoir foutu trois acteurs porno à la suite. Putain, tu me crois si sadique. Bah, je te connais, comme tu t'avais fait. Ah, bah, peut-être qu'on va apprendre quelque chose ce soir. Waouh. En présence de Babar. Et alors, Kurt Maldor, pour la petite histoire, non, c'est pas une petite histoire d'ailleurs, c'est un personnage de Kit Paddle, en fait, tout simplement. Ok. Bah bon, d'accord. Voilà. Alors ça, je m'attendais pas. Du tout un acteur porno, j'espère. Entendre porno et Kit Paddle dans la même phrase. Ouais, c'est très bizarre, moi aussi, je m'attendais pas. si je vous dis Lady Fire... Lady Fire. Lady Fire. Non, ouais. BD. Moi je dis carrément. BD. Ouais. BD comics BD. Alors là, ça serait vraiment. Parce que en pseudo d'actrice porno, je vois pas ce que ça traduit Lady Fire, tu vois. Moi je connais Jada Fire en actrice. Ah, et alors, je connais Elsa Fire, mais qui n'est pas du tout actrice porno. C'est une pote à toi. Alors je reste sur BD. Ça dit BD dans le chat aussi d'ailleurs. Je dis BD aussi parce que, à part quelque chose de mal, je vois pas ce que ça a traduit Fire en fait. Enfin. Et ça m'étonne déjà celle que t'as dit, Babar. C'est dommage, vous aviez tort, c'est une actrice porno. Je vous laisserai chercher son. Et ben je le note. Ouais, voilà. Je ferai des petites recherches ce soir. Si ça vous intéresse. ouais, Lady Fire, ouais. C'était justement pour le piège. Si je vous dis Rémi Lacroix. Rémi Lacroix, ouais. Ça dit acteur, Jules, tu dis quoi? Je dirais. Non, ouais, je dirais BD, moi. Alors, on nous dit BD parce qu'il est une actrice Lacroix. Ouais. Et directeur de la rédaction de Lacroix. Et alors, c'est pas un acteur porno, c'est une actrice porno. Et du coup, Ibagbir avait raison, puisque du coup, il devait la connaître, puisqu'il connaît l'actrice Lacroix. Et donc, c'est Remy Lacroix. Enfin, c'est en anglais, quoi. C'est un prénom. Turbo masturbeur, Ibagbir. J'ai l'impression qu'il s'y connaît presque aussi bien que Babor. Oui. il a pas mis les mains dedans, quoi, mais... Si je vous dis Justin Hammer. Justin Hammer, c'est un personnage de BD parce que c'est dans Iron Man. Merde. Je savais qu'en mettant un personnage d'Iron Man, j'avais des risques. Et du coup, oui, c'est bien un personnage d'Iron Man. Il joue dans Iron Man 2, c'est Sam Rockwell. Je connaissais pas, mais bien joué. Merci. Allez, il nous en reste plus que deux. Si je vous dis Jessica Blandy. Oh, Jessica Blandy, pour moi, c'est du méga porno. Ouais, là, tu vas me dire, c'est encore un Marvel. C'est du méga porno. méga alors, porno. Du coup, tu dirais quoi, Babar? Moi, j'ai dit actrice, je pense. Actrice aussi. Mmh. On laisse un peu dans le chat parce qu'il y a un petit décalage avec le chat. Hein. Je les laisse chercher aussi. Il y a du porn dans le chat, carrément. Non, enfin, il n'y a pas vraiment du porn. Hein. Ils disent les gens sont réduits à balancer des liens de sites de cul. ça devient n'importe quoi. Alors, tout le monde dit porn, hein, vous êtes tous sur porn, et vous et pourtant. Aviez Thor, oui, parce que c'est un personnage de BD, et en fait, c'est même, la BD s'appelle Jessica Blandy, c'est une vieille BD. D'accord, ok. Je sais pas d'accord. Quelle origine. Les gens font une fixette sur le cul. Bah, c'est fou, hein. Je sais pas pourquoi. Hein et enfin, pour le dernier, Zeb Atlas. Zeb. Tu m'aurais dit Zob Atlas. Alors, ça s'écrit Zeb, j'aurais dit personnage de BD. ZEB, quoi, donc après, vous le prononcez comme vous voulez, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Zeb. Ah, ça. Après, t'as enchaîné les BD là, mais en vrai, ça sonne plus BD, je trouve. Zeb Atlas, ça fait aventurier, ouais. En fait, c'est Atlas. Ça fait un peu méchant de Spirou et tout. Ouais, ça pourrait. Zeb Atlas, je dirais BD, moi aussi. C'est tout sur BD là. Je mets sur une BD. Je vais attendre. Ouais, BD aussi. Ouais. C'est BD aussi pour le chat. Et ben non, c'était un piège. C'était un acteur porno, Zeb Atlas. Oh. Bah oui, j'ai fait exprès de trouver des noms un peu ambigus quand même. Ah, mais il nous a bien eu. Tu nous as brain. Hein, je parle un petit peu le langage de League of Legends, Babord, toi qui es. Je fais ça. Oui. Warwick Jungle, hein, comme on dit. Warwick Jungle. Comment tu sais que je joue Warwick? J'en savais absolument rien. Il sait tout sur toi, Babord. Il t'a stalké avant. Oui. Ça, je vois ça. En tout cas, les aficionados de League of Legends se régalent ce soir. Ouais. Donc voilà, c'est fini pour le premier jeu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez appris des bonnes. Je parle de ah bah de oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le collège, quand même, c'était un peu les pires années. C'était un peu genre la jungle. C'était le truc. Non, d'ailleurs, je dis pas la jungle, mais je voulais. La linge. La loi de la jungle, plutôt. La loi de la linge. Du coup, on disait il y avait les populaires et tout, et ceux qui se faisaient un peu. Voilà. Et il y avait quand même des règles. Il y avait les heures de colle et les conseils de discipline. Est-ce que vous avez déjà été en heure de colle déjà? Mais bien sûr. Pas toi, Théo? Bah, moi non plus. Hein. C'est vrai? Sérieux? Jamais? Non, jamais. Moi, je me suis pris 3 heures de colle parce que je traînais dans le gymnase de mon lycée avec un pote. Et juste, bon, 3 heures de colle, c'est pas grave. Mais juste, le surveillant qui m'avait mis les heures de colle m'avait ordonné de recopier le règlement du collège avec les voyelles en vert et les consonnes en rouge. Donc, hyper long. Et j'ai jamais pu finir. Et je me suis fait bien chier la bite. Voilà. Mais c'était le mercredi après-midi, non? Un truc comme ça? Ouais, il y a moyen, le mercredi après-midi. Moi, c'était après les cours pendant le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ah ouais? Je m'en souviens bien. Ah, donc c'est vrai, vraiment heure sup quoi. Ah ouais, jusqu'à 18h30, un truc comme ça. Ouais, non, pas jusqu'à 18h30, mais ils te les mettaient dans les. Dans les t'avais plus de bus toi après, enfin t'avais plus rien pour rentrer. Non, je rentre à pied quoi, en roulant par terre. En pousse-pousse. En pousse-pousse. Avec ton cartable sur le dos là. Et... Ouais. Oliver Twist. Tout à journée, je vais à l'école. Qu'est-ce que ça va pas? J'avais. Parfait. Comment dire? Tu sais, les correspondants dans les pays étrangers, tout oui, ça. Oui, correspondant, en fait. Ouais. T'as dit le nom, en fait. C'est ça, carnet de correspondance. Un Corrèze. Hey, Corrèze. La Corrèze. Elle était allemande. Moi aussi. Et en gros, pendant l'été, elle m'a. Enfin, du coup, on s'était dit: ah ouais, viens, je vais faire, en fait, en Allemagne, tu fais. Come, Théo. Come here. Groupir. Pourquoi ils roulent les Allemands dans la Et du coup, enfin, je suis allé là-bas, puis c'était cool. J'avais quoi, 12, 13 ans? Ouais. Et on a fait des trucs et tout, c'était trop fun. T'as fait des trucs avec. Eh, j'ai radio cul. Ouais, on m'en dirait. Oh, j'ai tué des trucs comme ça. Quoi, là, non, on a fait de l'acrobranche, c'était trop bien. Toucher la teucha. Ouais. C'est ça de l'acrobranche, non? Il s'était avéré que c'était son anniversaire. Et du coup, on a fait la fête chez une amie à elle, dans son garage. Oui. Simplement, il est. Moi j'avais déjà goûté à la bière et ou des trucs comme ça, tu vois, j'étais un peu un ouf. Wow, quel âge, pardon? Oui, défendu. 12-13 ans, pardon. Oh là là. Wow. C'est pour ça que t'as une voix comme ça, si grave et... Et non, c'est la cigarette. Ah merde. Ça, t'as commencé à 8 ans, donc ouais. Voilà. Et la dépression. Et il s'est avéré qu'en fait, j'avais juste beaucoup trop bu. Des trucs en plus, enfin mélangés, en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont des bières genre... énergisante. C'est le cliché de la mettre à la pêche. Non, mais c'est genre, c'est genre des putains de monsters mais avec de la bière dedans quoi. Et ils en avaient acheté plein, mais genre vraiment plein, il y avait des grosses caisses comme ça. Et moi je trouvais ça trop bon parce qu'il y avait du sucre dedans. Évidemment, quand t'es enfant, t'avais la pêche, la banane, la patate. Ah, non, c'était incroyable. Et du coup ça m'est monté très très vite. 3 heures après, je gerbais dans les chiottes. Yeah. J'ai gerbé. Enfin, avant ça, je suis quand même allé dehors. Je suis allé faire un tour. Je suis allé vomir un petit peu au coin de la rue et je suis revenu. Un peu dispersé, ouais. Un peu loin. C'est un peu propre, quoi. Donner un peu à manger au rat. Parce que voilà. Et au chat. Je suis allé dans les chiottes. Mais en plus, c'était un peu des bourges. Ils avaient des chiottes. C'était littéralement, ce n'est pas une image. C'était un trône, tu vois. En or. Il fallait monter sur une petite marche pour accéder aux chiottes. Le tout marbré. Chiotte marbrée. Et il y avait le petit français. Marbré de vomi. Hashtag chiotte marbrée. Le petit français qui va gerber. Et puis au bout d'un moment, tout le monde se demandait où j'étais. Et puis en fait, j'étais dans les chiottes. Et là, t'as le père qui arrive. Oh non. Le père allemand, alors oui. On l'imagine bien. Il faut, faut savoir aussi quand même que j'étais. De quoi? Coupe en brosse, comme tous les pères allemands, bien sûr. Voilà, exactement. Comme tous les pères allemands et comme toutes les mères allemandes d'ailleurs. Et il faut savoir qu'en fait, j'étais plus en train de vomir, mais je voulais. Enfin, j'étais en train de pisser. Et j'étais incapable de tenir debout, du coup, je m'étais assis. Et il est arrivé comme ça, il m'a vu le pantalon baissé. La tête sur le. Enfin, le menton sur le torse. Il sur le trône, en fait, t'étais au-dessus de lui, du coup. Il lui a dit Wie viel kostet ein Nazi Kleider, ce qui veut dire oh, combien coûte un costume nazi. Ce qui n'avait rien. Et j'ai vu une érection par son pantalon. Et non, pas du tout, mais c'était assez gênant parce qu'il y avait d'autres gens, du coup, qui savaient qu'ils étaient dans les chiottes, qui regardaient par derrière, tu vois. Oh non. Et les suricates. Tendre la tête comme ça. Du coup, il s'est rendu compte de ça, il a fermé la porte. Et je me suis rhabillé, puis il m'a passé un seau et ils m'ont ramené. Ils m'ont ramené en allemand. Voilà. Ils m'ont ramené à la maison et le lendemain j'étais couvert de honte, bien évidemment. Oui. Et forcément, tout le monde avait fini la soirée, tout ça. Et le lendemain, je suis retourné dans cette maison pour rendre le seau. Le mec, une merde. Gentil quand même. La queue entre les jambes, c'est en mode la tête baissée. T'as fait profil bas, je suppose. Oh oui. T'as fait pas le figure, hein. Voilà. Devant le papa allemand là. Découverte d'internet et du porn. Mais c'était le problème. Mais c'était bien avant mes années collège, Clément. Ah oui, bah, pardon. Non, j'ai découvert le porno sur internet en tapant sexe. Femme nue. Oh, mais la même, évidemment. Nichon. Tout le monde avait. C'est pas vrai, on a tous fait ça. Bah, ouais, je voulais savoir si c'était Google Images. Alors, je me suis dit, je vais taper femme nue. Le mec, est-ce qu'il est con? Non, je crois pas. Est-ce qu'à l'époque, les images aussi, elles mettaient 20 ans à s'afficher? Parce que moi, c'était. J'avais vraiment une connexion. Parce que ta mère était au téléphone en même temps et que tu pouvais pas avoir la DSL, quoi, tu vois. Et genre, tu vois de plus en plus. Et je fais, oh putain, les nichons. Tu sais, tu vois juste les nichons et tout. Et je parle comme un mof. Je dis vraiment. Ouais, bien les nichons, quoi. Moi, je me souviens d'un de mes potes qui, dans la cour de récréation, m'avait conseillé. Ah ouais, toi, tu cherches femme nue? Bah, moi, je cherche canon à poil. Et là, ça ramène des super images. J'ai une image de canon qui balance des touffes comme ça. N'importe quoi. Ah, la découverte du porn. Excellent. Voilà, exactement. Moi, non, c'était. Ouais, il y avait des mots clés en fait à chaque fois qu'on tapait, quoi. Moi, c'était vraiment, ça me foutait en stress. C'était vraiment le truc interdit. J'avais peur qu'on voie l'historique derrière moi. Oh, putain, au tout début, j'étais gêné et tout. Enfin, j'étais gêné tout seul. Mais genre, j'avais trop peur qu'on me chope vraiment. Et d'ailleurs. On t'a chopé. Ah, bah, tu sais, je la connais, il va la raconter. Faut savoir que l'ordi familial, quand j'étais au collège, moi, était genre à l'entrée de ma maison. Dans le hall d'entrée. Dans le hall d'entrée, devant la porte d'entrée. Et donc, je m'installe, je fais ma petite affaire. Et il y a mon frère qui rentre avec sa copine à ce moment-là. Donc, moi, réflexe nul, tu vois, j'essaie de baisser l'écran, sauf que j'ai encore. Une main occupée et il se coince la joue. Ouais, il est en train de se casser la joue. Mon frère entre avant sa copine, il me voit, il fait oh putain. Et genre, il referme la porte, il je sais pas, il a baratiné sa copine le temps que. Enfin, de justifier. Que tu ranges. Ouais, le temps de justifier. Attends, on ouvre pas tout de suite, il y a peut-être un problème dans la porte, je sais pas. Et moi, je me suis. J'ai comme couru. Par exemple mon frère qui est en train de se masturber. J'ai tout fait. Oh, hein, oh, oh. Coïncidence. Non, mais oh. Et. Et non, je suis monté très vite dans la salle de bain, me cacher, et après je suis ressorti en mode. Les mains pleines de sperme. Ça va, son fermé la braguette. Check. Et non, voilà, la bonne honte, quoi. On va pas se mentir. Donc, le jeu. Ouais. Oui. C'est un jeu sonore, ça tombe bien, on est à la radio. Ouais. C'est un jeu qui s'appelle Sample comme bonjour. Oh. Merci. Je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Mais d'abord. Générique. Et bienvenue à tous sur le jeu délirant. Le jeu simple, le jeu où on sample. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Waouh. Wow. Bravo. Il y a un meilleur jingle que notre émission. Mais on va tenter chaque émission, tu vas venir en fait. Donc, tu sais, il sera DJ, il sera élevé là-bas. C'est ça. Alors là, dans celui-ci, il y a un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que je vous fais écouter le sample. Et là, okay. Si vous arrivez à trouver la chose qui a produit ce son, vous gagnez 5 points. Mais d'abord, on va essayer de trouver c'est quoi la musique, dans quoi c'est utilisé. Okay, mais si vous trouvez qu'est-ce qui a fait ce son-là, c'est 5 points. Je suis hyper chaud. Un automaton. Non. Un photomaton. Un kazoo. Un kazoo, ouais. Non. Un ballon de baudruche. Non. Une abeille. En fait, on est parti direct. Ah oui, pardon, oui, les 5 points. Non. Un mec qui se mouille. Oui, il y a un petit sursaut. Un chat malade à la fin. Un chat, ouais, on nous dit. Non, c'est pas ça. Une moi, mouche, pour me dire, au début, je pensais mouche. Que c'était un jouet qui fait poète-poète, tu vois. Et que ouais, tu ouais. fais. Ouais. Tu fais une boîte à meux. Super... Non, c'est pas ça non plus. Bon, je vous passe. Vous essayez de trouver déjà. Ouais, voilà, ouais, on trouve le sample. Mais alors, dans quelle musique ça peut être C'est une musique. Ouais. Bon, est-ce que ça provient d'un être vivant? Non. Ah. C'est un objet. Ok. C'est un outil, même, je peux vous dire. C'est un gros. Une scie sauteuse. Non. Une disqueuse. Non. Une ponceuse. Une perceuse. Eh bien, oui. Ah c'est vrai, une perceuse. C'est une perceuse. Mais attends, mais comment outil, on l'a trouvé? En fait, c'est une perceuse électrique où tu tiens le bout qui est censé tourner. Tu ouais. le bloques et en fait quand t'appuies sur le et tu perds tes doigts sur la gâchette ça lance le moteur mais vu qu'il est contraint ah il est bloqué ça fait ce, ça ah fait mais oui oui oui et en fait si plus t'appuies ça fait justement ces espèces de waouh et le mec en fait il a pris une perceuse il l'a bloqué il a fait ah, c'était ouais. un mystère pendant des années ça donne ça dans la musique. Vas-y dans un peu ouais. Vraiment énervé. D'accord, je connais pas du tout. Alors après par contre je sais pas qui fait cette chanson. Alors cette musique c'est Diplodocus, d'accord. le titre, de Noisia, mais c'est le remix de Kill the Noise. Voilà. Compliqué. En gros si c'est tu mets précis. Diplodocus, normalement tu l'as. Ok. Ok. En tout cas, merci Quentin pour ce ouais, jeu, c'est incroyable. Un jeu aussi complet. Ouais, bravo. Bravo. Bon, on est que 3 à applaudir, ça fait un. Ouais, le cœur y est. Une anecdote avec Madagascar 3. C'est un film que j'ai dû voir au moins 30 fois. Quoi ouais. Alors, vous allez me demander comment et alors, pourquoi. J'espère que du coup, tu vas nous en parler des. Alors, pourquoi et comment En fait, quand Madagascar 3 est sorti, moi j'étais animateur dans ce qu'ils appellent. Moi, je faisais l'animation dans un hôtel. En Turquie. Okay. Et donc là-bas, on passe des dessins animés aux gosses pour les canaliser un peu, pour qu'ils nous foutent la paix. Et Madagascar 3, c'était un des seuls DVD qu'on avait. Du métier, tu sais. Un des seuls DVD qu'on avait. Ah, et coup, j'ai dû passé... le regarder au moins deux fois par semaine pendant deux mois. En turc, du coup? Non, il y avait beaucoup là-bas de hollandais, donc ça devait être en hollandais. Oh putain, génial. Donc Madagascar 3, deux fois par semaine en hollandais. En turc, c'est très hollandais. Ouais, en hollandais, terrible. Mais du coup, je me souviens qu'il y avait... Est-ce que t'as compris le film au moins une ouais, fois bah, oui, grosso modo. Ouais. Mais bon, enfin... Il y avait une espèce de dresseuse bizarre, rousse, avec des cheveux dégueulasses, une espèce de képi de nazi. Rebelle, la même année. C'est ça, putain, c'est ça, mais mec, mais ouais. Et c'était pas mémorable, comme tous les Madagascar. Je suis d'accord. Non, bah c'est non, pas le 1 était bien. À cause de I Like to Move It. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment j'ai un parti. J'ai Madagascar pour Melman roi, et King le roi Julian. Julius, aussi, non, comment il s'appelait King Julian. King Julian, King Julian ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, oui. Une série sur Netflix. Jess qui a vu la version latine. le avec le roi Julius. Madagascarum. Alors, mon jeu s'appelle. Ça existe ou ça existe pas ce téléfilm de Noël? Donc voilà, en fait, comme vous le savez, à la période des fêtes. Dès le mois de novembre presque, on a des films de oui, Noël, des téléfilms bien. De Noël à la télé qui passent tout le temps, à toute heure, sur toutes bien. Les chaînes hein, d'ailleurs. Et les titres sont assez fabuleux, je trouve, ils sont très originaux. C'était plaisir de voir un titre comme ça. Ouais. De quoi? De voir ce genre de titre, ça fait toujours plaisir. Oui. Tu te dis, je vais passer une très bonne soirée. Mais ça fait genre une bonne fait... après-midi. Oui, c'est souvent ça. Quand même. Genre vers 15 heures. Chaud, quoi. J'ai envie de se mettre sous un petit plaid. Oui. Franchement, c'est frais, quoi. Oui. Donc, je vous ai fait, comme le titre du jeu l'indique, une liste de quelques noms de téléfilms de Noël. Et j'en ai glissé quelques-uns qui n'existent pas de ma création. Oh. Et c'est un peu comme ton info oui, ou un talk. Vous allez devoir me dire téléfilm ou téléfaux. Non. Je sais pas genre de trouver, c'était pour avoir les créations de rubriques. Ouais, ouais. Voilà, vous faites ça, ok? Ouais, ça vous va? Ouais, allez, vous êtes prêts? Ça, ouais. Alors, est-ce que la guerre des guirlandes existe? La guerre des guirlandes, moi je dis que c'est vrai. Ah ouais, vous dites téléfilm, vous? Moi je qui pense dit... que. Moi je pense que c'est un téléfilm qui se passe dans une maternelle et il y a une connerie. C'est comme une ça. Téléfilm, des téléfilm, boutons, et toi? C'est téléfaux. Ah, téléfaux. Et c'est téléfilm, c'est un téléfilm. Ah merde! Alors. J'espère que t'as ça plus parle. D'infos. J'ai pas plus pas, d'infos. Ça. Non, moi, ça m'intrigue là. Mais vous me demandez ah ouais. de bosser. Ouais, mon non, c'est sujet. Vrai. Pardon. Oh, pardon. Pardon. Oui. Est-ce que un ex-mari en cadeau existe? Oui, bien oui. sûr. Mari, oui, c'est oui. complètement. Tu déballes ton cadeau. Le... Ouais, ouais. Tu déballes ton cadeau sous le sapin. Ouais. C'est un ex-mari. Ouais, pas de chance. Oui, ça existe. C'est un téléfilm, tout à fait. Est-ce que un mari en cadeau de Noël existe? Non. Genre vraiment, tu déballes et là, Marie une bague. En cadeau de Noël. Je... Moi, voilà. je dirais téléfaux là. Moi, téléfaux, ouais. je te soupçonne faux. De l'avoir inventé à la suite de ouais, l'ex-mari. À la suite d'avoir découvert l'autre. et il existe. C'est la suite. Ça c'est bien joué. Téléfoot, ça, on nous dit téléfoot. Téléfoot, oui. Non, ouais, c'est... Non, non, il existe vraiment, c'est un téléfilm. Est-ce que Noël, ma mère et moi existe? Noël, ma mère et moi. Alors ça, Noël, ma mère et moi. Non, ma mère et moi. C'est trop. C'est totalement téléfaux parce que Noël, ma mère oui. et moi. Ça c'est... ferait trop. Voilà. Après, c'est peut-être la traduction. On t'a vu derrière ton petit micro. Regarde comme il est malicieux là. C'est peut-être la traduction française. Hein, parce que souvent, c'est des téléfilms américains. Et vous dites quoi du coup? Moi, je dis téléfaux. Téléfaux. Ouais, c'est un téléfaux. Ah, quand même. C'était une blague avec Noël, ma mère. Si, on l'approche des fêtes. Vous avez vu comment il est là? Il a le nez tout. Les gars, j'ai oublié. Je voulais le faire au début de l'émission. Oula. C'est Noël. Ouais. Ouh. Qu'est-ce que... Alors, avant, entre Thibaut et Théo, Théo imite R2D2. Bip. Thibaut imite R2D2. Bip bip. T'as gagné, Thibaut. Ouais, carrément. T'as complètement gagné. Ouais, aussi. Yes. J'ai juste sifflé, hein. Mais ça marche. Tu l'as bien fait. Oula, qu'est-ce que... Des empilebulles. Oh. Bah écoute, je suis passé chez Babou avant de venir. Un empilebule. Théo, voici ton empilebule. Oui. Qu'est-ce que c'est un empilebule? C'est formidable. Eh bien, c'est un... Et Clément, voilà le tien. Oh, un empilebule Captain America. Oh là là. C'est des... T'es un amour. C'est des... Alors, je vais être beaucoup moins en amour, ça coûte 75 centimes. Je vous le dis. Mais c'est l'intention qui compte. C'était chez Babou, je vous rappelle. En fait, c'est un truc pour souffler des bulles, sauf que les bulles peuvent s'empiler. Un empile-bulle, quoi. C'est je peux pas faire mieux. Et c'est marqué combien de bulles arriveras-tu à empiler? C'est la grande question qu'on se pose tous en cette fin d'année. 2020, on arrive, mais avant, combien de bulles? Mais quoi, il faut... C'est écrit en néerlandais, j'aime bien. Ah ouais, c'est bien. Oui, tu l'as lu en l'entend. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. C'est un empilebule, enfin. Mais merci beaucoup. Mais t'as craqué le porte-monnaie, enfin. Vraiment pas, parce que 75 centimes... Il est fou, ce type. Et il a pris ça dans le budget du PowerCast. Hein. J'ai vu ça. J'ai vu qu'il manquait 3 euros. Je l'ai déclaré en note de frais. Et magnifique. Je vous propose un truc. On essaiera l'empilebule. Ouais. Après l'émission, ouais. on filmera et on le mettra en bonus de l'émission sur YouTube. Excellent. Ça vous va? Allez, on fera ça. On va tenter de lancer. Alors, on l'a jamais fait. C'est pas la question co, la question coquine. Non. Oh non. Nous dit Manu. Un sondage va apparaître. Où est-ce qu'il apparaît le sondage, Clément? Il va apparaître en haut du chat sur Twitch. Voilà. On va vous poser un intitulé. Par exemple, qui s'est déjà cassé les deux jambes? Et vous devrez voter soit pour moi, soit pour Clément, soit pour Benjamin. Celui que vous pensez à qui c'est arrivé, voilà. Alors, la première, si on sait bien, si on est rodé, Clément, oui. C'est qui a peur des produits périmés? C'est tout à fait ça, je lance le sondage, maintenant c'est à vous. Et nous avons 57%, soit l'équivalent de 4 votes pour moi. Et pourtant, vous étiez 3 à avoir la bonne réponse, puisque c'est Clément qui a peur des produits périmés. Il est très intolérant. Clément, je te laisse le mic. Alors, je vais expliquer. Mais genre, c'est une phobie. Non, c'est pas une phobie, quoi, c'est pas jusque-là. Mais c'est la vrai peur. Que j'ai... Oh, et oh. J'ai les chochottes. Okay. Les chocottes, pardon. Les chochottes. Les chochottes. Je suis une chochotte aussi. J'ai des chocopops. Non, c'est juste que j'aime bien, sur une majorité de produits, vérifier quand même la date de péremption. Et en général, ça me dégoûte un peu si c'est un peu périmé. Voilà. Ça dépend des dates de péremption aussi, c'est pas non plus voilà, dans l'excès. Ouais, bon, vous aurez tous compris sur le live, il a peur. Voilà. On va pas passer 20 ans dessus. Qui est l'arrière-petit-fils du premier chanteur de l'Opéra de Lyon? Allez-y, votez, c'est votre moment. Allez-y. Alors, qui est, je répète, est-ce que quelqu'un peut faire le... Ah, c'est serré. C'est bon, ça quelqu'un peut faire le... Quelqu'un peut faire... C'est serré, ouais, il y a 2 votes. Quelqu'un peut faire le tic-tac de qui veut gagner des millions, là? Le quoi? La musique de... Ah, de quand il y a les votes du public là? Ouais, voilà, exactement. Oh, putain, je sais plus c'est quoi. Après, tu fais le son de warp à la fin, tu fais. Ah, oulala, ça se démarque. Ah, ouais, Benjamin est en train de. Oula, il grimpe en flèche. Il y a un délit de faciès, hein, apparemment. Ouais. Donc voilà, on a Benjamin qui est en tête quand même avec 86% de votes. Bah, bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au chat, puisque c'est effectivement, les... Benjamin est l'arrière-petit-fils du premier chanteur de l'Opéra de Lyon. Qui a volontairement pissé sur sa mère. Le sur P3 4 petits points, c'est pissé du coup pour ceux qui auraient passé. Ah, ça va direct, c'est un gros dégueulasse. Jules direct. Alors, instant. C'est un gros dégueulasse, bim, Jules, allez, ça part. Alors, concernant le sondage de qui a volontairement pissé sur sa mère, il y a 67% qui votent pour Jules, 33% pour Benjamin, 0 pour moi, merci. C'est parce que j'ai dit que j'avais un complexe d'Oedipe et que j'ai dit des trucs dégueulasses tout à l'heure qui sont pas vrais d'ailleurs, hein. Je préfère le préciser, on sait jamais, parce que du coup vous dites que aussi, je fais des trucs vraiment dégueulasses à base de pisse. Ce n'est pas moi, figurez-vous, car c'est Benjamin qui n'a eu qu'un vote finalement, qui a pissé sur sa mère. Alors, il y a une anecdote, hein, les gars. Ouais, voilà, il y a un contexte. Faut développer là. Benjamin, je te laisse expliquer avant que les gens le postent sur les réseaux. Premier point, c'est pas un plaisir déjà de pisser sur sa mère. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait, voilà, on se dit pas le matin, on se réveille, on fait hop, je vais pisser sur ma mère. C'est mon moment. Une petite tartine, et allez, hop, je vais pisser. Bref. Non, alors en fait, c'est parce que moi, je suis un Robinson Crusoe de la vie moderne. J'habitais à Tahiti avant. Donc Tahiti, les oiseaux, la neige. La mer, attention, la mer, les qu'il y a à l'intérieur, il y a des trucs de fou, il y a des méduses. Les méduses qui piquent. Aïe. Et un remède pour les méduses qui piquent, c'est de la pisse. Ça soulage instantanément. Ah, mais oui. Et une fois, ma mère, elle est nager, elle est revenue, elle avait très mal, et elle disait, il faut que tu me pisses dessus. J'étais en mode, mais je vais pas te pisser dessus. elle avait une caméra, il y avait une équipe de tournage avec. Ça t'a gêné un peu. Et du coup, non, en fait, là c'était vraiment arrangé, mais du coup, en fait, j'ai pissé dans un réserve, enfin, je sais plus si c'était dans un verre ou dans un bocal, enfin, bref. Ouais, et du coup, après, elle a appliqué la solution sur sa blessure. Voilà. Alors, moi, j'avais toujours cru que c'était une rumeur comme quoi il fallait pisser sur une plaie de méduse, mais donc c'est vrai, tu confirmes que ça a ouais, ça là, soit... c'est vrai. C'est un véritable conseil. Bah, après, okay. Je me suis jamais fait piquer par les méduses, hein, mais. Bah, a priori, ta mère s'en est sortie. Oui, ouais, non. Ouais. Très bien. Vous avez été choqué quand j'ai parlé du bal du lycée. Vous aviez pas eu de bal de lycée dans pas du tout, non. Non. Non. Par, on a eu un équivalent, pas un équivalent, on a eu une journée. Porte ouverte. Non. Non, mais ça, on va en parler après. Sinon, à part ça, on a rien. C'est le mec le plus lambda. C'est le mec le moins bandant de l'univers. Le seul lycée de ta région qui fait des journées portes ouvertes. On avait la fête du livre. Non, on a eu une soirée, la dernière journée des terminales. T'en rappelles pas de ça où il y a eu un lama? Ah oui, mais ça c'est improvisé. Ouais, d'ailleurs, on a projet X. Oui. En fait, alors il y en avait une l'année dernière quand nous on était en première et il y avait eu l'année d'avant. Et il y avait eu une chèvre qui avait été ramenée, machin, plein de trucs et des poules. Et du coup, l'école était pas très contente. L'année d'après, il y avait eu un événement Facebook pour dire ouais, là cette année on fait pareil, les terminales, machin. Donc c'était nous cette fois les terminales. Okay. Et ça organisait, voilà, page Facebook, ça va ramener des bombes, enfin de la mousse à raser, des conneries comme ça, des œufs, etc. C'était énorme bordel. C'était STMG1 contre STMG2. Ah ouais? Ouais, c'était ça, je m'en souviens. Ça, je me rappelle plus. Pour te dire le niveau qu'on avait. Et moi, j'avais un rêve aussi, c'était d'arriver, je sais pas pourquoi j'avais ce rêve, comme il y avait eu un lama l'année d'avant. Non, il n'y avait pas eu de lama. Non, il y avait une chèvre. Bon, lama, non, c'est jamais. Et on avait une fille de notre classe qui avait un lama, en gros. Elle avait un terrain à Saint-Genis, je sais pas si tu vois qui c'est. Elle avait un lama. À Saint-Genis, bon, chez nous. Tes parents ont un mouton, donc ça va. Hein, tu vas pas te choquer par un lama. Tu te calmes. Ouais, c'est pas mal. Un lama, alpaga, tu vois, un truc, ouais, l'un des deux. Quand même, et je rêvais d'arriver à dos de lama, comme ça, avec la musique de la Ligue des Champions, avec une couronne, et d'être le roi, tu vois. et bon, ça s'est jamais fait, évidemment. Et moi, j'avais dit, bon, quand j'ai eu abandonné cette ambition, j'ai dit sur la page Facebook, ouais les gars, j'ai une caméra, je fais un peu de montage, machin, si vous voulez, je filme la journée, ça peut être cool, et j'ai précisé, je filmerai aucune dégradation, pas de jet d'œuf, pas de gens blessés, pas de cassage de vitres s'il y en a, machin. Tout le monde, les gens avaient l'air chaud, tu vois, ouais, trop cool, et merci, tu nous enverras le lien, super. Un jour ou deux avant la fameuse journée, je reçois un appel inconnu, je connaissais pas le numéro, et en fait c'était le directeur adjoint qui m'appelait, qui a menacé de porter plainte contre moi si je venais au lycée le jour du... Merde. Le jour du dernier jour des terminales. Et j'étais deg parce que vraiment, j'avais rien fait de mal et j'avais juste proposé de filmer l'événement en précisant pas de dégradation. Ouais. Et donc, voilà, je me suis fait menacer. Il a dit, je porte main courante contre toi si tu te ramènes au lycée. J'ai fait, ah. Juste venir, il n'y a même pas d'histoire de caméra ou quoi. Non, ouais, juste venir, être au lycée le jour des derniers, le jour de dernier jour des terminales. Ça nous a pas empêché de le faire en plus, donc je vois pas le. Attends, je crois que je suis pas venu. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, il y a eu un jour, je sais plus si c'était cette année-là ou l'année d'avant, mais j'ai un pote qui s'est empalé le mollet sur une des grilles de notre lycée, sur un des portails. Ah bon? Ouais, ouais. Ah ouais. Il a essayé d'escalader un portail, il y avait des pics au-dessus. Ah. Il s'est empalé, je voyais le trou de sa chair. Ah. Ça va toi? Il y a des moustiques, je crois. Ah ouais. Il y en a un petit peu. Et il a fait garrot avec un de ses vêtements, machin. Et heureusement, on est sorti du lycée. Et il y a un gars qui a bien voulu l'emmener à l'hôpital. Un gars qui zonnait en plus. Il y a un autre pélo qui a trouvé une agrafeuse. Et comme on voulait pas saloper sa voiture, qui était, il était déjà assez sympa d'emmener mon pote, je lui ai filé ma chemise et tout. On a essayé d'éponger au maximum. Et ça s'est bien fini. Improbable. Mais voilà. Ouais, ouais. Sacrée histoire. Et on parlait du bal du lycée quand même. Hein, là, ouais. Bah nous, du coup, on n'a pas eu de bal, on a eu un open air. Je sais pas comment on appelle ça. Un mec qui s'est ouvert le mollet. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Non, on avait plein de journées. Ouais. On avait la journée déguisée. Mmh. On avait la journée où on s'habillait classe. Je sais pas comment ils habillaient. Ils habillaient jamais fait ça. T'as jamais fait ça. Ouais, tu m'as fait les couilles. Moi, je ne participe pas. Il venait en basketteur. Toujours en dossard, lui. Genre le dossard fluo. Ouais, le dossard. Ah, Madeleine de Proust, le dossard. Ça puait, hein. Ça sentait la numéro 10, les gars. Il y a un nom pour le dossard, j'ai oublié le nom. Hein, le chasuble. Le chasuble, j'aime trop ce mot. Le chasuble. Le chasuble. C'est encore tous les chasubles qui nous écoutent. Qui nous écoutent là-haut avec. Tous ceux qu'on a cités. Ouais, tous ceux qu'on a oubliés. Voilà. Et Vine. Et donc on avait un bal des talents. Ah, on avait la journée des talents. Oui. Oh putain, ça nous le dit. Merci à Kagan. Chat. C'est la journée des talents où j'avais joué de la guitare là-bas. Ouais, toi, t'avais joué. Moi, j'avais joué aussi. La guitare. J'avais chanté. La voix de Rossignol. Oh là là. Oui, bah, ça qui est froid. Voilà, écoute. Mais le mec italien. J'ai joué sur le terrain de basket. Et après, il y a une meuf qui m'a sauté dans les bras. T'as joué sur le terrain de... On avait des terrains de basket dans le lycée, du coup. Ouais, non, pour nous, c'était vraiment... On avait trois terrains de basket, c'était High School Musical. Ouais. Et pourtant, c'était FTA dessine, hein, quoi. Ouais. High School Musical la dessine. Moi, ouf. On s'était fait démolir par la prof d'histoire ou le prof d'histoire parce qu'on jouait au basket alors qu'on devait réviser notre bac, tu vois. Et qu'elle savait qu'on était une classe de branlots et du coup. Mais je crois que elle nous avait démolis, genre. C'est vrai qu'on était quasiment tous. On était une dizaine, je crois qu'on faisait un 5 Clément, essaie pas de te rendre cool, c'est bon, on a tous vu que c'était lui le mec cool. Mais ouais, j'étais là, j'étais sur le banc de touche, hein, je comptais les points. C'est lui qui allait prévenir la prof d'histoire, tu sais. Il faut un basket. Non, alors cette personne-là, c'était plutôt. On parlait tout à l'heure, il y a méga balance, Clément, méga balance. Solène, est-ce que t'as un rap? Peut-être que tu n'en as pas, peut-être que tu l'as atteint avec Demain nous appartient. Bah peut-être. Je l'ai atteint. J'ai réussi. But. Maman, j'ai réussi. Merci maman. Non, pas du tout, bien sûr que non. C'est un peu triste en même temps normal. Oui. Bah c'est mon rêve. C'est ton début de carrière, quoi. J'ai mis un pied dedans, ouais. Bah voilà. Ah, oh, c'est cool. J'ai mis un pied dans le plat. Un petit doigt de pied. J'ai trempé le peuton dans le pédiluve, quoi. Le petit bain. Là tu te mouilles la nuque, là t'en es trop préparatif là. Là je voilà. T'as resserré ton moule bite, enfin. Oui. T'as resserré ton maillot, quoi. Ouais. Bah j'évite l'hydrocution, quoi. C'est bien arrivé. Ah, et l'été arrive, faites attention à l'hydrocution. Oui. On va vous pitcher un film qui est en réalité deux films en fait. On vous pitch deux films qui ont un peu matché ensemble. Mmh. Et il faut trouver les deux noms des films qui forment un titre un peu cohérent. C'est le même principe que le Cuisinéma, sauf que c'est avec deux films. Une Hawaïenne et son alien bleu vont devoir infiltrer un lycée pour démanteler un réseau de drogue. Dis-nous, Baptiste. Il y a Lilo et Stitch, mais je sais pas. Mais il faut donner le titre complet, voyons. Mais c'est quoi le réseau de drogue dans l'école? Dans un lycée. C'est 21 de Lilo et Stitch? Non, t'es pas loin, le titre. Alors, mais... vous avez 21 Jump Stitch. Exactement, oui, bravo. Bien joué. Alors ça, c'était le premier. Clara est en train de décéder. Elle fait un AVC. Je crois qu'elle fait un AVC. Elle essaie de... Donnez-lui du sucre. Dans ton cerveau, il y a un petit bonhomme qui danse comme ça. Il y a un singe. C'est un beau jeu. C'est les enjeux de la télé-réalité. Ouais, elle a que la télé. Quoi? Non, mais merde, je me culture aussi. C'est M6. Je reconnais. Allez, au suivant. Vous avez compris le principe, c'est bon? Oui. Alors là, bon, là, c'est très simple, on va vous donner carrément le titre du personnage. Indiana Jones, flic et archéologue de renom, rejoint sa femme dans une grande tour au Pérou pour Noël, où le patron de sa femme donne une grande soirée. Mais les événements tournent au vinaigre lorsqu'un terroriste allemand ramène sa fraise pour dérober un artefact qui permettrait de contrôler le monde. Ok, c'est Die Hard et l'Arche perdue, en tout cas. Alors, il faut ne donner pas les indices, donner... direct le titre. Ouais, c'est bon, après concertez-vous après, voilà. Parce que c'est, je trouve ça le piège de... d'Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le piège de cristal. Le piège de l'arche perdue. Alors c'est ouais, on c'est claque, en fait c'est presque, ouais, mais le piège du crâne du cristal. Non, c'est presque ça, Mais bon, vous l'avez. Mais c'est parce que le titre d'Indiana Jones, c'était Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ah, c'est donc le là, royaume. Okay. C'est donc, Indiana Jones, c'est le royaume du piège de cristal. Okay. Vous auriez pu enlever royaume avant, j'avais trouvé. Hein. Oui, bon, on te l'accorde le point. Allez, on te le donne. Si ça te fait plaisir. Tu l'as bien mérité, Baptiste. C'est cadeau. Qui de vous cinq a serré la main à Tarantino? Solène. Non. Toi, Arthur. Baptiste. Vous l'avez gardé, j'ai trop peur. C'est Baptiste, ouais. Bon, et c'était, t'étais où? T'étais à Cannes? Non, c'était à Lyon. À Lyon? Pendant le festival de lumière. Ah, genre la péniche. Ah, bah d'accord. J'y étais aussi. Il était là. Et tu lui as serré la main aussi? Ouais. Ah, bah du coup, c'était toi aussi. Sauf que moi, je l'ai fait. Mais moi, j'y suis retourné après. Pour lui resserrer la main? J'y suis retourné après quand il est parti. Tu lui as serré l'autre main? Je lui ai dit bonjour, je voudrais bien vous claquer les fesses. Il a accepté sans hésiter. Vas-y, à ton tour. Se considère comme la sosie de Philippe Candeloro. Le sosie d'ailleurs. C'est toi, c'est clair. C'est clair. Voilà, Bah oui. Ouais, mémoire d'outre-tombe. Ouais, ça marche. C'est une bonne réponse. J'avais oublié, mais. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que, tu, quand même, tu ressembles quand même beaucoup plus à Winona Ryder qu'à Candeloro. Non, mais la boucle. On m'a sorti ça une fois, en fait, j'avais encore 15 ans, même avant j'avais les cheveux très indisciplinés comme ça, et j'avais des petits anneaux comme ça, et j'avais les bacs, j'étais moche, et je m'épilais pas encore la moustache, et ma meilleure amie, me voit monter la pente là de chez moi, et elle me dit, putain mais, oh, tu ressembles à Philippe Candeloro. À 15 ans. Tu faisais des blagues un peu comme lui ou pas? Et voilà. Est-ce que tu faisais des blagues un peu comme lui, un peu sur le sport et sur le cul en même temps, genre, hey, je lui roulerais bien un patin à celle-là. Oui, oui, oui. Mais bien sûr, je pirouettais. Voilà. D'accord. Ah, quel bon souvenir, merci. Bah, j'ai oublié. Vous êtes dans les anecdotes aussi? Non, pas du tout. Si? On ne sait pas. Peut-être. Surprise. Qui parmi vous a failli se noyer dans l'Atlantique? Car quelqu'un l'a coulé en voulant se sauver lui-même. C'est horrible. Yes. C'est Arthur. Clément. C'est Arthur. Gardez le meilleur pour la fin. Vous pensez que c'est Arthur? Ouais. Bien joué, c'est Arthur. Ouais, c'est Arthur. Ça, c'est raconte quand... là, Arthur, tu l'as raconté tout à l'heure. C'est quand même excellent, ça. En gros, j'étais au Pilat-sur-Mer. Voilà. Dans une maison de vacances. Et je suis allé me baigner. C'était drapeau orange. Donc il y avait peu de gens qui se baignaient. Ouais. Il y avait des bonnes vagues, tu vois. Et moi, je suis assez amateur de ça. Donc je suis allé me baigner pour me faire vraiment secouer par les vagues. Et à un moment donné, je me rends compte que je suis un peu bloqué parce que je suis allé un tout petit peu trop loin. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, je me prends une vague. Elle me retombe dessus et elle me ramène en arrière. Et je me reprends une vague, elle me retombe dessus, elle me ramène en arrière. Donc j'avais pas la possibilité de retourner au rivage, quoi. J'étais un peu bloqué. Et donc je fais, bon bah, panique pas. Tu prends juste ta respiration toujours au bon moment. Et t'attends que ça se calme un peu et tu retourneras au rivage. Sauf que ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait une femme qui était dans la même situation que moi, mais qui elle paniquait. Et elle était un peu plus loin. Et en fait, en me faisant rouler par les vagues, ça m'a rapproché d'elle. Et à un moment donné, j'ai voulu prendre ma respiration. Et à ce moment-là, elle, je sais pas si elle m'a vu ou quoi, mais dans la panique, elle s'est appuyée sur moi pour prendre sa respiration. Et du coup, moi, au moment de prendre la respiration, c'est j'ai la fait... jungle. Et j'ai pas pris d'air et j'ai pris de l'eau. Donc j'ai commencé à m'étouffer sous l'eau. Et elle me l'a fait deux fois. Genre deuxième fois on s'est retrouvé au même endroit et elle s'est réappuyée sur moi pour... Elle a réussi à en sortir et en gros elle était sur le rivage, tous ses potes ou les sauveteurs étaient autour d'elle, ça va la machin canette. Et moi j'étais encore bloqué dans les rues. J'ai réussi à reprendre en toussant dans tous les sens, j'en pouvais plus quoi, et j'ai réussi quand même à sortir, et je suis sorti, j'étais à 2m2, j'ai pas eu un regard, rien du tout, j'étais en train de mourir, j'ai vraiment cru que j'allais y passer parce que c'était chaud quoi, vraiment. Après, t'avais quel âge à ce moment? Parce que peut-être que tu ressemblais à un caillou à ce moment. Oh, ça clash. Ça clash les cailloux. Merde. Non mais je sais pas, c'était il y a max 3 ans. Putain, ça... Comment tu t'en es sorti? Bah que au final les vagues se sont un petit peu calmées et j'ai pu retourner sur le rivage quoi. Mais il y avait pas une connasse qui prenait appui sur toi aussi quoi. Hein, il y avait pas une connasse qui prenait appui sur toi aussi, ça joue ouais. Oh merde. Mais putain, c'était horrible. Je me suis pas baigné du reste des vacances. Hein. Ça calme je crois. Ouais, ça calme. Donc un thème qui est un petit peu large quand même. Un peu particulier aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Il est foufou hein, ce soir. Ouais, Wiz, ça va? Ouais, c'est un thème un peu particulier parce que du coup, on a un peu une liste de ces films qui nous ont marqué, on va dire, et sur plusieurs thèmes particuliers. Ça va? Putain, si t'as encore dit qui? Il a fait quête. Qui quête? Oh bah alors lui. Seul five. Il s'arrête jamais. T'as bien fait. Donc on va les faire un par un et on va débattre un peu dessus et ce sera l'occasion de se marrer un bon coup. Moi, d'abord, on va de se marrer la tronche. Waouh. Sans taper une bonne tranche. Yes. On commence par le premier qu'on avait noté, c'est ce film que vous avez regardé en boucle quand vous étiez petit. Alors pour vous, ça serait quoi par exemple? Alors Léon. Vous pouvez Alors Wiz qui le connaît par cœur là. Hein. Vous pouvez interagir pas dans le chat si jamais vous avez vos propositions. Moi, je t'avoue que le film que je regardais en boucle quand j'étais petit, j'ai un énorme doute. Vas-y. Ah, mais tu peux en avoir plusieurs. Hein. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, à chaque réponse, j'en ai au moins deux, je t'avoue. Pareil aussi. Hein. Mais je crois, dans l'eau, je suis sûr qu'il y a Star Wars, parce que j'ai beaucoup trop regardé Star Wars. C'est arrivé super tard, moi. Et je pense que il y avait les films de Louis de Funès. Parce que je sais que mon père me les a montrés très jeune et j'étais un peu de droite quand j'étais petit, donc ça me faisait rien. Quand il était petit, il était de droite. Après, j'ai vu que les gens en profitaient pas tellement, mais. Non, je crois que j'ai beaucoup regardé Roger Rabbit. Pas du tout. Ah putain, alors que ça faisait un peu peur, moi je. La fin m'avait un peu. Christopher Lloyd, c'est ça? Oui. Avec les yeux qui tourbillonnent et enfin à la fin là, bref, ça m'avait un peu traumatisé. Mais ouais, je crois, enfin en vrai, en majorité, je pense que c'est Louis de Funès. Genre la grande vadrouille, j'ai dû le mater 100 000 fois. Ouais, c'était plus élevé. Alors que ça fait pas 100 000 jours. 100 000 Ouais. Mec, waouh. J'ai compté. C'est énorme. Moi, c'était un Disney tout à fait random. C'était Bernard et Bianca 2. C'est pas idée qu'en gros. Et mon frère, qui est déjà passé dans Powercast, pour en attester, je me le passais genre 8 fois par jour. Enfin, quand la cassette était finie, je la remettais au début et c'était reparti pour 1h30 de l'aventure. Les samouraïs et Pizza 4, c'est ça aussi. On voit le masque de Zorro, ouais, samouraï et Pizza 4. La rafiesse, mec, a pas l'ambiance à la maison. Très bien. Putain, toi, ça serait donc les films Louis de Funès. Je crois que Fabien, c'est pareil en plus. Ouais, ah ouais. Vous deux. La soupe aux choux, tout ça. Enfin. Oh, et ben alors. Vous étiez dans les années. Jacques Chirac. Ok. Qui nous écoute. Eh, les pommes. C'est trop Chirac ça. Yes. Donc toi, ton. C'est pas trop Chirac. Alors moi. Ouais, on, enchaîne, crack, enchaîne, ouais. On enchaîne pour éviter qu'il croit qu'il est drôle. Oui, il est marrant. Moi, ça serait le film. Alors, j'avais deux trucs. Donc, déjà, j'avais Toy Story. Parce que quand j'étais petit, évidemment. Et j'avais le film Tais-toi. Avec Gérard Depardieu et Jean Reno. En fait, mon père l'avait gravé sur un DVD. Et on le regardait très souvent. Et voilà. Surtout en voiture et tout, sur le lecteur DVD portable. Et vous mettiez des films de grands, en fait. J'étais le seul qui matait des Disney. Enfin, non, t'avais Toy Story. Mais... Ouais, j'avais Toy Story. Oh. Yes, vous ferez ça pour les jingles plutôt. Voilà. Et toi, Jules? J'ai dit Bernard et Bianca. Ah, pardon, il m'écoute pas. Conflit ce soir. 1, 2, 3, baston. Il me chie dessus, il m'écoute même pas. Crie pas, t'es très très fort, t'es bien plus fort que tout le monde. Je suis tout rouge. Ce film qu'on vous a interdit de regarder en étant petit. Beaucoup de Marc Dorcel. Ouais, bizarrement. Majoritairement, même, ça. Même maintenant, tes parents sont pas fans quand tu vas dans le salon. Maintenant, des fois, on se fait des soirées. On va à la cinémathèque et on réserve. Ah ouais. Toute la collègue, s'il vous plaît. Non, moi j'ai pas de souvenir de film qu'on m'a interdit formellement de regarder. Et moi non plus. Moi j'en ai pas trouvé non plus. Mais j'en avais vous? Moi j'ai Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, putain, Seigneur des Anneaux, quand j'étais petit, on m'a interdit de regarder parce que. En fait, c'était notamment la scène de. Bon, spoiler. Boromir qui se fait tuer par un Uruk-hai. Et tout ça. Enfin, et les Uruk-hai qui auraient pu me faire peur quand j'étais petit. Et voilà. Putain, d'ailleurs, j'étais à Paris cette semaine. Oh, je suis allé voir l'expo à la BNF sur le Tolkien. Et si jamais il y en a qui vont apparu, c'est génial. Ah bah, attends. Et franchement, en 3 heures. Et c'est combien l'entrée? C'est 11 balles pour plein tarif et 9 pour étudiants, je crois. C'est au chapeau. C'est au chapeau. C'est pas très cher. Et en 3 heures, j'ai pas fini. Pardon. Et qu'est-ce que t'as vu? Tout. Tout. C'est-à-dire que c'est la jeunesse de tout ce qu'il a créé et de tout, comment ça vient réel l'inspirer, comment il a créé le Hobbit, la Suisse Montréal, c'est dans des années. D'accord. Des anneaux, pardon. Et tout ce qu'il crée aussi à côté. Et voir aussi qu'en plus d'être écrivain, c'est un superbe dessinateur et peintre. Mmh. Et c'est lui qui a fait toutes les illustrations de Hobbit et Seigneur des Anneaux dans les premières publications. Est-ce que tu conseilles le biopic sur Tolkien? J'ai pas vu. Il paraît que c'est pas ouf. Ouais. Ah merde. Okay. Ah ouais, j'ai entendu que c'était pas ouf. Bien, mais... Ok. Il faudrait que je le vois. Vous autres ouais. Toi, du coup. Ah oui, du coup, vous n'avez pas. Moi, c'est.

toi, tu as le droit de faire des blagues. Mais c'est surtout qu'on copie pas du tout. Il a vraiment. T'as créé. En plus, tu les écris toi-même. C'est vrai, c'est toi qui les écris. Ça a déjà été fait. Merde. Ok. Bon, vas-y, lance. Vous avez compris le principe du coup. Bah, c'est le principe de quiz et fromage là. Ça tu l'as vexé. Mais juste à préciser. Voilà. Attends, je le bouge pas, je le démontre. Non, c'est Vincent, Vincent. Tu sais qu'en plus, il y a la caméra, on te voit vraiment taper dans ta main. Ouais, ouais, bah ouais, c'est comme ça que je démonte les jambes. En plus, il aurait croassé s'il avait eu mal. C'est vrai. Et là, il l'a pas fait. Il était un peu coincé celui-là. Bah oui, mais tu m'as mis le poing dans la bouche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, on lance le cinéma là, si vous voulez. Question numéro 1. Cuisiné en 1987, cuisiné en 1997 pardon, par Luc Besson, on me trouve notamment sur le bateau volant d'un restaurant chinois à New York, ou en grande tablée sur un paquebot de croisière spatiale. Alors je rappelle, oui, non, mais c'est pas des acteurs Bruce cette fois, c'est des films. Ah, c'est le film, il y a un jeu de mots avec le film. Voilà, voilà. Le film est un aliment. Le sphincter élément. Le cinquième aliment. Bien joué, c'est le cinquième aliment, bravo. Dis quoi, le sphincter aliment. Wow. Je l'ai pas mangé, enfin. Je l'ai pas mangé dans l'anecdote. Ça a changé, hein. Deuxième question. Là, c'est tout. Là encore des noms de films toujours. Okay. C'est toujours des noms de films. Ouais, en fait, à chaque émission, je vais faire un thème. Ah, okay, tu vois, j'ai fait. Merci pour les auditeurs qui ne savaient pas. Des acteurs, etc. Mais ils savaient, ils suivent. Les réalisateurs. Je fais l'émission. J'allais dire la réponse. Heureusement qu'il a bipé. On dirait Denis Brognard qui fait ah. Ah. C'est vrai. C'est vrai. Refais-le près du micro, ça va. C'est bon, là, on l'a capté. Je n'hésite pas à tremper la tête et à bien m'entourer pour retrouver mon père. On dit de moi que je suis vietnamien, pourtant on me trouve au Pêcherman 42 Wallaby Sydney. Oh, et oh, le monde des Nems. Bien joué. Oui, celui-là, c'est Clément qui l'a trouvé, je crois. Ouais. Comment ouais. C'est quoi, le monde des Nems? Le monde de Nems. De Nems, ah, ok, d'accord. Oh. Suivant. Bien, ça va. Alors. Alors j'en ai un peu honte de celui-là parce que j'ai pas réussi à trouver de description qui marchait. L'hôpital n'a pas de cul. Non, c'est pas non. Alors laissez-le aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et j'ai pas réussi à trouver de description. Du coup, je vais vous mettre sur la voie avec un accent. Oh. Oh, bah, chaque chat petit fruit chinois, ça. Ils ont voulu le déguster l'enchelard parce que c'est presque le même nom que les gens de là-bas. Alors, oh là, attends, tu peux redire? Refais-le. Oh, chaque chat petit fruit chinois, ça. Ah oui, bienvenue chez les litchis. Ouais. Oui, bravo. Chez les litchis. Réponse collégiale, comme on dit. Bravo les gars. J'ai eu peur, je me suis dit, putain, je dois le faire trop mal. Non, j'avais pas entendu ça. Le. C'est que ouais, j'avais le film et après je me dis, mince, le. Oui, c'est bienvenue chez les litchis. Mais merde, faut trouver un jeu de mots. Suivance. Il s'agit ici d'un film où Will Smith, plutôt amateur d'alcool, se dit que peut-être mélanger alcool et volaille pourrait décupler ses forces. Putain, attends, merde, c'est quoi le nom? Hancock? Non. Ah non, ouais, Hancock, oui, c'est ça? Ouais, mais alors. C'est le... pas. Hancock au vin? C'est ça, Hancock au vin, bravo! Ah, Hancock au vin. Est-ce que tu peux descendre? Je sais plus si j'en ai après. Si non, je crois que c'est le dernier après okay. Celui-là. Ouais. Bah oui, et l'autre, j'ai ouais, jamais trouvé. Allez, le dernier. Attends, le petit dernier. Tu peux voir? Ah, j'avoue, c'était pas loin! Donc ça c'était les premiers essais, après ils ont engagé un peu musicien pour faire le générique. On a retrouvé les roches. C'est super dur à faire. Dernière énigme. Du coup je me dis, il est super facile celui-là, ils ont trouvé tout en 2 secondes. Non mais t'inquiète, c'était très bien, j'ai l'air bien marré. C'est quoi? Je sais pas, j'essaye. Ah, okay. Faut pas m'écouter les gars, allez-y. Universal, on continue l'émission. Écoutez, là c'est le dernier. Ouh là là. Vous allez mettre tout ce que vous avez. Attends, on peut faire durer un petit peu. Vas-y, vas-y. Un peu. C'est un film que j'ai adoré. Attends, je sais même pas si. J'en dis pas plus. Monstre et compagnie. Après de multiples. Non. Après de multiples aventures dans de multiples espaces, voilà que Thor, le dieu du tonnerre, se rend en France pour empêcher la prophétie. La destruction du pays par un fromage à pâte persillée et au goût fort en bouche. Torrent de lait. Non. Thor Ragnarok fort. Thor, Thor, oui, Thor, Thor. Ah non, putain. Thor Ragnarok fort, bravo. Thor Ragnarok. Putain. Putain. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut applaudir? Bravo pour l'écriture des sketchs et des devinettes. Parce que ça doit être vraiment compliqué. C'est long à écrire. Jingle juste pour rire. Oh non, c'est fini. Oh, Worldcast. Et la bite qui gratte. J'ai